Unité 8, 10 A. Dis-moi Stéphane, peux-tu me dire si tu as déjà mal fait quelque chose? Oh oui, une fois, j'ai très mal fait cuire des spaghettis. Ils ressemblaient à de la purée. Et est-ce que tu as bien fait quelque chose? Oh oui, je peux te répondre aussi. Hier, j'ai bien joué au tennis et j'ai même gagné tous les matchs. Et est-ce qu'il y a une chose que tu n'as jamais faite? Je peux te répondre aussi. Je ne suis jamais allé à l'étranger. Et c'est un grand regret. Un jour, peut-être. Mais dis-moi, et toi alors, Brigitte, peux-tu répondre aux mêmes questions ?